Je voudrais pouvoir t'aimer, mais tu n'es pas libre d'aimer. Cette bague à ton doigt, chaque fois que je te vois, t'éloigne de moi. Demain, si je te dis oui, nous serons forcés de mentir, de nous cacher sans rien dire, d'un amour triste et sans nom. Mais je te dis non. Et je n'ai qu'une vie. Un amour qui n'a rien à gagner, il vaut mieux qu'on l'oublie. Je voudrais t'aimer, mais je n'ai qu'une dans l'ombre à pleurer, à guetter chaque pas d'un ami qu'on ne voit pas et qui ne vient pas. Je ne veux pas être seule après des années d'espérance. Je ne veux pas du silence. On